Premier livre des Chroniques, chapitre 21. Mais Satan s'éleva contre Israël, et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux principaux du peuple, allez dénombrer Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que j'en sache le nombre. Mais Joab répondit, que l'Éternel veuille augmenter son peuple 100 fois autant qu'il est, ô roi mon Seigneur, tous ne sont-ils pas serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela, et pourquoi cela serait-il imputé comme un crime à Israël? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab, et Joab partit, et alla par tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Et Joab donna à David le rôle du dénombrement du peuple, et il se trouva de tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et de Juda, 460 et 10 000 hommes, tirant l'épée. Bien qu'il n'eût pas compté entre eux Lévi ni Benjamin, parce que Joab exécutait la parole du roi à contre-cœur. Or cette chose déplut à Dieu, c'est pourquoi il frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un très grand péché d'avoir fait une telle chose, je te prie pardonne maintenant l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Et l'Éternel parla à Gad, le voyant de David, en disant, va, parle à David, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, je te propose 3 choses, choisis l'une d'elles, afin que je te la fasse. Et Gad vint à David, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, choisis ou la famine durant l'espace de 3 ans, ou d'être consumé, durant 3 mois, étant poursuivi de tes ennemis, en sorte que l'épée de tes ennemis t'atteigne, ou que l'épée de l'Éternel, c'est-à-dire, la mortalité, soit durant 3 jours sur le pays, et que l'ange de l'Éternel fasse le dégât dans toutes les contrées d'Israël. Maintenant donc regarde ce que j'aurai à répondre à celui qui m'a envoyé. Alors David répondit à Gad, je suis dans une très grande angoisse, que je tombe, je te prie, entre les mains de l'Éternel, parce que ses compassions sont en très grand nombre, mais que je ne tombe point entre les mains des hommes. L'Éternel envoya donc la mortalité sur Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya aussi l'ange à Jérusalem pour y faire le dégât, et comme il faisait le dégât, l'Éternel regarda, et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait le dégât, c'est assez, retire à présent ta main. Et l'ange de l'Éternel était auprès de l'aire d'Ornan Jébusien. Or David élevant ses yeux vit l'ange de l'Éternel qui était entre la terre et le ciel, ayant dans sa main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Et David et les anciens couverts de sacs, tombèrent sur leur face. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai commandé, confie le dénombrement du peuple, c'est donc moi qui ai péché et qui ai très mal agi, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, je te prie que ta main soit contre moi, et contre la maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas contre ton peuple, pour le détruire. Alors l'ange de l'Éternel commanda à Gad de dire à David, qu'il monta pour dresser un autel à l'Éternel, dans l'aire d'Ornan Jébusien. David donc monta selon la parole que Gad lui, avait dit au nom de l'Éternel. Et Ornan s'étant retourné, et ayant vu l'ange, se tenait caché avec ses 4 fils. Or Ornan foulait du blé. Et David vint jusqu'à Ornan, et Ornan regarda, et ayant vu David, il sortit de l'aire, et se prosterna devant lui, le visage en terre. Et David dit à Ornan, donne-moi la place de cette aire, et j'y bâtirai un autel à l'Éternel, donne-la-moi pour le prix qu'elle vaut, afin que cette plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Et Ornan dit à David, prends-la, et que le roi mon seigneur fasse tout ce qui lui semblera bon. Voici, je donne ces bœufs pour les holocaustes, et ces instruments à fouler du blé, au lieu de bois, et ce blé pour le gâteau, je donne toutes ces choses. Mais le roi David lui répondit, non, mais certainement j'achèterai tout cela au prix qu'il vaut, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste d'une chose que j'ai eue pour rien. David donna donc à Ornan pour cette place, 600 sicles d'or de poids. Puis il bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes, et des sacrifices de prospérité, et il invoqua l'Éternel, qu'il exauça par le feu envoyé des cieux sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel commanda à l'ange, et l'ange remit son épée dans son fourreau. En ce temps-là David voyant que l'Éternel, l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan Jébusien, y sacrifia le pavillon de l'Éternel que Moïse avait fait au désert, et l'autel des holocaustes était en ce temps-là dans le haut lieu de Gabaon. Mais David ne put point aller devant cet autel pour invoquer Dieu, parce qu'il avait été troublé à cause de l'épée de l'ange de l'Éternel.